des voix dissimulées de spécialistes en exclusivité sur CLA TV, rétrospective 2021. L'année dernière, en 2021, les médias d'État financés par contribution obligatoire se sont encore plus enfoncés dans le marasme. Ils passent catégoriquement sous silence les avis spécialisés les plus importants de médecins, microbiologistes, chercheurs, scientifiques, avocats et témoins oculaires de haut niveau. Un discours ouvert n'est plus possible depuis longtemps. Le grand public n'est plus informé que de manière unilatérale par les principaux médias et est acculé par la peur, l'incitation à la division et les géants de l'industrie pharmaceutique avides de profit. En 2021, CLA TV a répondu aux grands besoins de l'humanité en donnant la parole à des experts de tous les domaines importants de la science, de l'éducation et de la médecine. Pour vous, en exclusivité aujourd'hui, une rétrospective des principales voix professionnelles qui peuvent enfin transmettre leur savoir révélateur au monde entier sur CLA TV. Le professeur Zoukhari Baghdi est spécialiste en microbiologie et en épidémiologie infectieuse et ancien professeur à l'Université Gutenberg à Mayence. Il a dirigé pendant 22 ans l'Institut de microbiologie médicale et d'hygiène. Il a été l'une des premières voix spécialisées à remettre en question les mesures Covid-19 et les restrictions massives des droits fondamentaux qu'elles impliquent et a écrit une lettre ouverte à la chancelière allemande Angela Merkel à ce sujet. Avant même le début des vaccinations, il a été l'un des premiers à mettre en garde contre les dommages massifs causés par les vaccins, tels que les accidents vasculaires cérébraux, les hémorragies cérébrales et les décès dus à la vaccination. Lorsque ceux-ci se sont produits en grand nombre et dans toute leur tragédie, il a expliqué de manière compréhensible pour tous et sans relâche les tenants et les aboutissants afin de préserver la population mal orientée de dommages encore plus graves. Selon le professeur Baghdi, les vaccins basés sur les gènes sont totalement différents des vaccins ordinaires et mille fois plus dangereux. Pour le professeur Baghdi, la campagne de vaccination est le plus grand crime possible. Maître Rainer Fulmich, avocat, résume ainsi les conclusions de la commission d'enquête extra-parlementaire Covid-19, dans laquelle plus de 150 experts ont déjà pris la parole. Avec Covid-19, il n'a jamais été question de santé. Le virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe, avec un taux de mortalité de 0,14 à 0,15%. Les prétendus vaccins sont en réalité des expériences de thérapie génique. Elles sont extrêmement dangereuses. Selon une estimation conservative, il y aurait au moins 500 000 morts après le début de la vaccination. Nos gouvernements n'agissent pas dans le meilleur intérêt de leur peuple, mais sont largement sous le contrôle des hommes de main des entreprises multinationales et des ONG. Bill Gates parle depuis de nombreuses années de la nécessité de réduire de manière draconienne la population mondiale. Klaus Schwab demande en outre un gouvernement mondial sous l'égide de l'ONU. Celui-ci doit être atteint par un chaos mondial sous forme de pandémie, de guerre et de catastrophes naturelles, afin que la population mondiale croie que seul un gouvernement mondial pourra encore l'aider. Dr Fulmich, avec l'aide de collègues internationaux, engage également des actions juridiques sous forme de recours collectifs contre les mesures Covid-19. Le docteur Wolfgang Vodarg est pneumologue, professeur contractuel en école supérieure, a dirigé pendant de nombreuses années un service de santé publique en tant que médecin officiel, a été pendant de nombreuses années député au SPD au Bundestag et président de la commission de la santé au Bundestag allemand, etc. Il avait déjà mis en garde contre l'alarmisme alimenté par l'industrie pharmaceutique lors de la grippe porcine. Le docteur Vodarg a montré, preuve à l'appui, que le professeur Drosten s'est trompé dans son alarmisme de l'époque sur la grippe porcine. Il a vivement conseillé d'éviter les vaccins qui provoquent de graves effets secondaires. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Le docteur Vodarg a montré que l'OMS avait modifié la définition de la pandémie de sorte que toute grippe peut aujourd'hui être déclarée pandémique. Ainsi, l'exigence d'un nombre élevé de décès ou de maladies graves a été supprimée de la définition. Au sujet du vaccin ARN messager Covid, le docteur Vodarg déclare : ce vaccin modifie génétiquement la personne qui est vaccinée. Des milliards de personnes doivent maintenant être vaccinées. C'est totalement irresponsable. Je ne peux que recommander aux gens, ne vous faites pas vacciner avec un vaccin produit avec une telle négligence en si peu de temps. Le docteur Werner Bergholz, ancien professeur à l'université Jacobs de Brême, a travaillé pendant de nombreuses années dans le management de la qualité. En été 2021, il tire un bilan provisoire de la vaccination Covid. De 2000 à 2020, pour environ 40 millions de vaccinations, on a enregistré environ 20 décès par an. En 2021, jusqu'au mois de juillet inclus, il y a déjà eu 1230 décès. Il ne s'agit donc pas d'une légère augmentation, mais d'une hausse dramatique. Selon la base de données de l'EMA, plus de 14 000 personnes sont donc décédées en Europe. Cela signifie au moins 10 fois plus de personnes gravement atteintes. Concernant la valeur d'indice constamment utilisée, le professeur Bergholz déclare. Cette incidence est une bêtise sur le plan physique, statistique et métrologique. En septembre 2021, lors de la conférence de pathologie de Reutlingen, le professeur Arne Burkhardt, expert en la matière, s'est penché avec des scientifiques, des médecins et des juristes sur les effets secondaires des vaccins Covid-19 pouvant entraîner la mort et sur les composants non déclarés des vaccins. Il a attiré l'attention sur des corps étrangers métalliques qui ont été identifiés dans les vaccins Covid-19 de différents fabricants. Il a également indiqué qu'au Japon, des particules métalliques avaient été trouvées dans le vaccin Moderna. Lors du même congrès de pathologie de Reutlingen, Madame Dr. Uta Langer a montré des clichés pris au microscope en champ sombre sur des restes de vaccins de la société BioNTech-Pfizer. On y voyait des substances non organiques dont la taille variait entre 40 micromètres et 0,5 millimètres. Elle n'a pas pu déterminer avec certitude ce qu'étaient ces corps étrangers, mais il pourrait s'agir de micropuces. Des structures similaires ont pu être mises en évidence avec le vaccin Johnson & Johnson. Sur des prises de vue du sang de personnes vaccinées, Uta Langer a mis en évidence des amas de globules rouges en forme de rouleaux. En plus de cet effet, des corps étrangers semblables à des filaments et n'étant pas d'origine organique ont pu être identifiés dans les clichés. Le docteur Boland et d'autres médecins ont observé que des tumeurs cancéreuses se sont développées de manière explosive après une vaccination anti-Covid. Ils parlent spontanément de turbo-cancer et posent la question suivante : est-il possible que cela soit lié à la vaccination ? Est-il possible que la question de la dégradation du système immunitaire par la vaccination, discutée dans les milieux spécialisés, joue un rôle dans ce cas ? Le docteur Karim Adey, spécialiste en médecine interne et ostéopathie, a dirigé pendant 19 ans deux cliniques dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Selon elle, des gens doivent savoir que le vaccin anti-Covid n'est pas un vaccin sûr. Cette campagne de vaccination serait une grande expérience publique sur l'humanité. Elle rappelle que ce type de vaccin utilise une technologie qui peut modifier génétiquement les organismes. Il n'existe pas d'études probantes sur ce vaccin. Toutes les expériences menées sur des animaux au cours des 20 dernières années avec des sérums vaccinaux à ARN messager ou à ADN modifié ont échoué. Lorsque les animaux vaccinés entraient en contact avec des agents pathogènes du rhume ou de la grippe, ils avaient plus de pneumonie, de problèmes de foie et il y avait plus de décès. Elle fait remarquer qu'en cas de décès ou d'effets secondaires après une vaccination, les fabricants n'assument aucune responsabilité ou indemnisation. Elle demande un moratoire sur ces nouveaux vaccins qui ont le potentiel de modifier durablement le génome humain. Le docteur Heiko Schöning est médecin et analyste à Hambourg, cofondateur de l'organisation Médecins pour le dévoilement, de la commission d'enquête extraparlementaire Covid, vice-président de l'Alliance mondiale de médecins et cofondateur de l'Alliance mondiale pour la paix. Grâce à ses recherches, il a pu démontrer que la pandémie de Covid répète une stratégie criminelle. Ces stratégies ont toujours été précédées de tests qui ont abouti à de nouvelles structures de pouvoir. C'est exactement selon le même schéma que les criminels d'aujourd'hui ont déjà commis un crime similaire avec des bactéries mortelles de l'anthrax en 2000 ans. Des détails criminels et un sens aigu de la déduction l'ont amené à la conclusion suivante. Ce sont toujours les mêmes instituts et clans qui sont impliqués dans ce jeu détestable. Lors de conférences de presse et d'interviews, il démontre que les chiffres du Covid publiés sur les infections et les décès sont falsifiés et gonflés par des astuces rhétoriques et mathématico-statistiques. Le docteur Schöning démontre que beaucoup de choses autour des mesures de la pandémie relèvent d'un crime mafieux visant à remodeler le monde selon des règles totalitaires. Dans son livre « Game Over », il a exposé par écrit ses connaissances, montré les structures et désigné les auteurs. Selon lui, nous sommes confrontés à une mafia internationale à laquelle appartiennent également des chefs d'État et des hommes politiques. Il encourage les gens à s'unir pour dénoncer ces crimes organisés à l'échelle mondiale et ainsi y mettre fin. Le docteur Andreas Heiler est médecin généraliste à Ebikon, Lucerne, et a été médecin de garde pendant de nombreuses années. Depuis le début de la pandémie de Covid, il s'engage pour un discours ouvert entre les médecins, les scientifiques et les politiques. Avec des collègues médecins, il a fondé l'association Aletheia, médecine et sciences pour la proportionnalité. Plus de 600 médecins sont déjà membres d'Aletheia, qui compte plus de 2500 membres issus du secteur de la santé. Contrairement à la surpopulation des hôpitaux prévue par les médias au printemps 2020 en raison du Covid-19, le docteur Heisler a observé que l'hôpital cantonal de Lucerne, aménagé comme un hôpital de guerre, restait vide. Il l'a signalé dans une lettre adressée au ministère de la Santé à Berne, mais n'a reçu aucune réaction. Le docteur Heisler considère la campagne de vaccination comme une expérimentation humaine et à propos de ses collègues médecins vaccinateurs, il dit « Ce que vous faites va à l'encontre du code de Nuremberg qui stipule que nous ne pouvons participer à des expérimentations sur l'homme. » D'autant plus si les gens ne sont pas mis au courant. Par ailleurs, le docteur Heisler fait état de graves effets secondaires liés à la vaccination. Le scientifique et homme politique indo-américain Shiva Yadurai détient 4 diplômes d'ingénieur du prestigieux Massachusetts Institute of Technology. En tant que biologiste des systèmes, il qualifie cette crise de la plus grande escroquerie anxiogène de tous les temps. Il explique cette affirmation en comparant le nombre de décès dus au Covid-19 avec le nombre de décès aux États-Unis dus à d'autres causes, telles les maladies cardiovasculaires ou le cancer, par exemple. Ceux-ci sont bien plus élevés, mais aucune panique n'est provoquée et aucune mesure n'est introduite. Monsieur Ayadurai est convaincu que seule une approche holistique et des soins particuliers du système immunitaire peuvent être la réponse aux épidémies. De plus en plus de gens vivent sainement et comprennent que les médicaments sont toxiques. L'industrie pharmaceutique se concentre uniquement sur la production de vaccins et ouvre un nouveau champ d'activité avec la maladie du Covid. Sa conclusion est la suivante. Dans cette crise du Covid, de nombreux médecins et scientifiques ne disent plus la vérité par peur de perdre leur emploi et par souci pour leur famille et, au contraire, courbent les chines. Le docteur Michael Yedon a obtenu un doctorat avec mention en biochimie et toxicologie dans le domaine de la pharmacologie respiratoire. Il a ensuite passé sa vie à faire de la recherche dans l'industrie pharmaceutique en se concentrant sur l'inflammation, l'immunologie et l'allergie en rapport avec les maladies respiratoires, ce qui fait de lui un expert dans ce domaine. Dès le début de la crise du Covid, il a été extrêmement préoccupé par les fausses informations diffusées par les politiques et les médias et par les mesures anti-Covid complètement inadaptées et exagérées. Le docteur Yedon est horrifié par l'utilisation et l'interprétation totalement erronée des tests PCR et demande l'arrêt immédiat de ces tests. Au vu des dommages horribles et des décès causés par la vaccination, l'initié Yedon qualifie les vaccins Covid de crimes contre l'humanité et met expressément en garde contre leur utilisation. Il qualifie de meurtre le fait de vacciner des enfants, compte tenu des dommages à long terme et des taux de mortalité élevés. Le docteur Christian Zürcher est spécialiste de la douleur et médecin généraliste qui possède son propre cabinet en Suisse. Il rapporte que de nombreux patients ont présenté les troubles les plus divers après avoir été vaccinés par le vaccin anti-Covid. Maux de tête, fatigue, modification de la peau, lassitude, mais aussi changement de caractère. Des patients lui ont rapporté que des proches étaient en parfaite santé avant la vaccination et qu'ils sont ensuite tombés gravement malades, ont subi des attaques cérébrales ou sont décédés. Lors de l'interview, le docteur Zürcher a montré à l'aide d'une étude de l'Université d'Oxford que les vaccinés avaient une charge 251 fois plus élevée de virus Covid-19 dans leurs narines par rapport aux non-vaccinés. Cette étude a été publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Le docteur Klaus Könlein est médecin et auteur du célèbre livre, en français, « La folie des virus, comment l'industrie médicale invente constamment des épidémies et fait des milliards de profits sur le dos de la collectivité ». Il a souligné d'emblée que le Covid-19 était une pandémie test. Comme pour la grippe porcine, une nouvelle épidémie est pour ainsi dire initiée afin de mettre des médicaments sur le marché et de faire en sorte que des vaccins apparaissent à l'horizon. Il suffirait de bannir le test du marché pour que la vie reprenne son cours normal. L'activité de la maladie serait alors comme elle a toujours été. Le docteur Könlein a encore connu personnellement Carrie Mullis, l'inventeur du test PCR. Mullis disait lui-même que cette méthode PCR ne permettait pas de diagnostiquer une maladie. Mais c'est exactement ce qui est fait aujourd'hui avec ce test. Et c'est sur cette base que se déroulent toutes nos mesures aberrantes. Le docteur Könlein a expliqué la surmortalité momentanée en avril 2020 par le mauvais traitement initial des patients. C'est justement cette augmentation de la surmortalité en avril qui a répandu cette peur démesurée avec des images soutenues par la presse comme les fosses communes à New York. Le docteur Rachid A. Boutard a suivi une formation en chirurgie générale et en médecine d'urgence. Il est toxicologue certifié pour les métaux et médecin préventif. Il est aujourd'hui directeur médical de la médecine avancée avec des cliniques en Californie et en Caroline du Nord. Le docteur Rachid Boutard révèle les activités criminelles de Bill Gates et d'Anthony Fauci. Il révèle également les mises en scène des urgences, les faux diagnostics délibérés, les certificats de décès et les taux d'occupation des hôpitaux falsifiés sur lesquels se basent les chiffres de la pandémie. Il montre également que la pandémie a été mise en place sur le long terme. Il démontre que les aspects fondamentaux du fonctionnement du système humain, tous les aspects de la viralité et des maladies infectieuses, ainsi que les postulats de corps, sont tout simplement ignorés. Le docteur Boutard souligne que le test PCR n'est pas adapté à des fins de diagnostic. Le docteur Boutard est convaincu que des dizaines de milliers de médecins et de scientifiques savent parfaitement qu'il s'agit d'une fraude. Mais ils ne diraient rien parce qu'ils ont peur d'être dénoncés, d'être socialement exclus et de perdre leur licence. Marcel Bartz, informaticien économique et ex-officier de l'armée nationale allemande, a examiné de plus près les chiffres de l'année 2020 publiés par les autorités publiques comme l'Institut Robert Koch et par les médias publics. Ces analyses statistiques ont révélé que 2020 était une année tout à fait banale en termes de mortalité. Dans aucun groupe d'âge, la mortalité n'a été particulièrement élevée par rapport aux années 2012 à 2020. Sur la base du nombre de décès en Allemagne, il n'a donc pas pu prouver l'existence d'une pandémie. Il a ensuite examiné l'occupation des unités de soins intensifs en 2020. En résumé, il a constaté qu'en Allemagne, le nombre de lits de soins intensifs occupés était resté largement inchangé en l'espace de 15 mois. Seul le nombre de lits libres a été réduit de plus de 6 000 pendant la pandémie. De ce fait, le pourcentage d'occupation des lits de soins intensifs a faussement augmenté. Il en conclut que nous sommes ici trompés et abusés. John O'Looney, entrepreneur de pompes funèbres au Royaume-Uni, a indiqué qu'il n'y avait pas d'augmentation du taux de mortalité avant la vaccination. Il a vu des personnes décédées qui ont été délibérément marquées comme mortes du Covid. Parmi eux, il y avait des patients atteints de cancer en phase terminale, des personnes ayant subi une crise cardiaque ou même des personnes accidentées. Mais il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de décès, et c'était le cas dans tout le secteur. Dans aucune des entreprises de pompes funèbres avec lesquelles il a parlé et dans aucune des morgues où il est entré, on ne voyait rien correspondant aux chiffres de la pandémie. Mais avec la vaccination, le taux de mortalité a augmenté de manière exceptionnelle. O'Looney a déclaré « Je n'ai jamais rien vu de tel en 15 ans. Nous avons affaire à un programme de dépopulation. » Le docteur Peter McKillow est cardiologue au Texas. Il est en première ligne dans le débat sur la sécurité des vaccins contre le Covid. Il s'oppose à la vaccination des enfants parce que des études indiquent qu'un enfant est plus susceptible d'être hospitalisé avec une inflammation du cœur comme effet secondaire qu'avec le Covid-19. Concernant le port du masque, il affirme qu'aucune étude n'a pu démontrer que les masques protègent les enfants. Selon le docteur McKillow, une étude a démontré qu'une vaccination répétée a pour effet de charger l'organisme en protéines spike. Des études montrent que la protéine spike s'accumule notamment dans le cœur, la moelle osseuse et le système immunitaire. Ainsi, les vaccinations répétées peuvent entraîner des maladies chroniques en raison de l'accumulation de protéine spike dans l'organisme. La FDA, Agence américaine des médicaments, a déjà mis en garde contre diverses maladies neurologiques consécutives à la vaccination, entre autres le syndrome de Guillain-Barré. Le docteur Toku Takahashi, ancien professeur et directeur de clinique au Japon, a rapporté dans une interview avec la TV. En 2018, il y a donc 3 ans, seules 3 personnes au total sont décédées au Japon des suites du vaccin contre la grippe. Mais plus de 1300 personnes, sans compter les cas non déclarés, sont déjà décédées, jusqu'à mi-2021 environ, des suites de la vaccination Covid-19. C'est une énorme différence. Lui aussi cite les vaccins à ARN messager comme étant la cause de décès dus à la vaccination, car ils produisent la protéine Spike, qui est toxique dans le corps des personnes vaccinées et qui peut provoquer des inflammations dans les vaisseaux, pouvant éventuellement entraîner diverses embolies comme des thromboses ou des infarctus pulmonaires. Le docteur Takahashi rapporte qu'en raison du manque de couverture médiatique, une grande partie de la population japonaise ne sait pas que les vaccins Covid n'ont pas été entièrement testés et qu'il ne s'agit pas d'un vaccin traditionnel, tel un vaccin antigrippal. Mesdames et messieurs, il est scandaleux que les médias publics que nous finançons par contribution obligatoire en tant que peuple censurent ces voix d'experts dans le monde entier et ne leur donnent pas la parole. Malgré les attaques et les calomnies massives des médias publics et les attaques d'associations professionnelles de hackers, CLA-TV s'est continuellement et pleinement engagée quotidiennement pour vous en 2021. Diffusez nos émissions dans toutes les langues disponibles et faites connaître CLA-TV. Nous concluons avec les paroles courageuses d'Oulos Cambrax, un rédacteur de l'ARD qui a appelé le scandale par son nom et a été licencié peu après par la chaîne SWR de l'ARD. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus accepter sans rien dire ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi chez mon employeur, le service public de radiodiffusion. Les statuts et les traités d'État pour les médias stipulent pondération, cohésion sociale et diversité dans les reportages. C'est exactement le contraire qui est pratiqué. Il n'existe pas de véritable discours et d'échange dans lequel toutes les parties de la société se retrouvent.